Bienvenue dans le secret du son d'Abba. Bonsoir Monsieur Melon. Salut Grégoula. Bonsoir David, à la technique ce soir, studio de Maple, merci de nous accueillir pour une nouvelle session du secret du son d'Abba, en grande forme, légèrement énervé pour cette nouvelle émission. On en fait une dans la suite qui sera plus cooliche, je l'annonce d'avance. On commence tout de suite avec Broken Notes. Broken Notes et Machine Code, c'est de la grosse mécanique, le diesel des sound systems londoniens. On y va tout de suite, ça s'appelle Milk Plus. We'll be right back. Excellent track de Broken Note dans le secret du son d'Abba, voilà. Un morceau d'ouverture excellent, tout ça. Ça part sur d'excellents auspices, donc c'est un track composé à quatre mains, puisqu'il s'agit d'une collaboration entre le duo Broken Note, Eddie Jeffries et son comparse Tommy, et pour Broken Note d'un côté, et Machine Code, des londoniens aussi je crois, Dean Roddell et Tim Elliott. Alors l'un et l'autre ont d'autres projets, et c'est ce qui va... Tu vas voir que j'ai de la suite dans les idées, n'est-ce pas ? Eh oui, bien sûr, bien sûr. Tu vas rebondir. Eddie Jeffries signe aussi un certain nombre de disques un peu plus fantaisistes, mais toujours assez musclés, sous le nom de 16 Beats. Notamment, on se souvient, enfin, peut-être t'as eu l'occasion d'entendre un morceau qui s'appelle Chainsaw Calligraphy, basé sur un riff un peu métal, basé sur un sample de tronçonneuse. Et puis il avait aussi repris de manière assez amusante le In the Death Car d'Iggy Pop. Et ça c'est pour Eddie Jeffries, un des deux membres de Broken Note, donc sous le nom de 16 Beats. Et puis de l'autre côté, donc Machine Code, on retrouve Current Value, qui est un spécialiste du dark step, hard step façon Panacea, puisqu'il a signé de nombreux disques sur son label Position Chrome. Et ces deux gugus collaborent au dernier disque de Björk, dont on va se faire une troche à l'instant. Donc Biophilia. Comment ça se fait qu'il se retrouve des mecs qui jouent de la musique autant extrême sur un album de Björk? On connaît quand même le flair de la demoiselle islandaise pour tout ce qui se fait de bon. Elle a toujours su s'entourer. Là, on retrouve donc sa garde rapprochée, Mark Bell, Matthew Herbert, qui lui apportent leur savoir-faire rythmique, leur mise en ambiance. Il y a sa camarade Leila Arab qui est toujours dans les parages. Ouais, Zina Parkins aux cordes avec un certain nombre d'autres personnes. Puis bon, c'est un peu à la manière dont quand on fait des tours en Afrique, on parle souvent de mélange de tradition et de modernité. C'est un petit peu le savoir-faire de Björk, mine de rien. Toujours été. Retrouve ce disque-là, Biophilia, avec à la fois tout le passé, les références aux ancêtres. Bon, elle est toujours assez illuminée de ce côté-là. Il y a du Mother Earth et du Ancestors à tous les coins de phrase, j'ai envie de dire. Et puis en même temps, bah, il y a les derniers faiseurs de rythmique à la mode. Broken Note, enfin 16 Beats d'un côté, Current Value de l'autre, c'est franchement pas des inconnus pour ceux qui s'intéressent au dance floor. Donc c'est le cas de la Miss et c'est pas étonnant de les retrouver à ses côtés. Björk, donc. Voilà, on va s'écouter Mutual Core avec donc au rythmique Matthew Herbert et 16 Beats. Vous allez voir que ça s'entend tout de suite. I shuffle around the tectonic plates in my chest. You know I gave it all, trying to match our your love, an unspent capsule. exists. Nuance makes heat. To counteract distance. I know you gave it all. Offered me harmony. If things were done your way, my Eurasian plate subsumed, forming a mutual. Under stagnation, you didn't know I'd be had it in me. Without our love, an unspent capsule, I didn't know you had it in you. This eruption under stagnation. redescend sur Terre tout doucement avec Slui 52. 52. Une découverte signée Imen, le label allemand, petit frère d'Anzen, hein, dont on se fait souvent l'écho de l'actualité, voilà, avec toujours régulièrement des bonnes choses. Toujours basé en Allemagne. Là, une découverte, parce que c'est effectivement, il y avait eu un EP 4 titres sorti sur un net label qui s'appelle Sociopass juste avant, qui sont tous repris d'ailleurs dans ce double CD, parce que là, ils n'y sont pas allés de main morte. Manifestement, il y a une. Son prix d'affection pour ce projet danois, d'un certain Daniel Kosenko. Et donc deux CD, l'un réparti en ce que l'auteur lui-même appelle ses Adrenaline Tracks. Alors on imagine bien ce qui, à l'écoute de ce morceau qu'on vient de se faire, là, on imagine bien de quoi il veut parler. Très vif, très, très, très énergique, sophistiqué, mais pas chiant, un petit peu dans la lignée de ce qui s'est fait de manière. Vraiment agréable et punchy sur les dance floor breakcore des années 2000, je pense à Duran ou Xanopticon par exemple. Ça c'est pour le premier CD, et puis le second CD se fait plus le reflet de ses travaux ambiants vraiment abstraits dans la lignée. Alors il dit s'être inspiré de Thomas Koenner, de Coyle ou encore de La Fleur Trio. Donc c'est un double CD que j'ai vraiment apprécié. Peut-être plus écouter la première partie punchy, ça correspondait bien à mon état du moment. Voilà. Quoi qu'il en soit, ouais, je vous recommande ce double CD qui s'appelle tout bonnement Catalogue et qui est sorti sur Imen au printemps 2011. On poursuit avec le retour au rock, avec tout d'abord un petit détour par Lille avec Berlineo 33. Berlineo 33 est un quatuor noise rock dans la grande tradition noise rock. Rien de plus classique, si ce n'est une véritable émotion à travers ce disque que m'avait refilé l'ami Réju, Réjuvenation Records, qu'il sort en vinyle là, ces jours-ci. Ils faisaient un petit tour par la Bretagne, les Berlineo 33, nos amis de Cafioul les faisaient jouer au fin octobre, voilà, 2011. On n'a pas pu y aller, j'y avais pas été, monsieur Melon. Absolument pas, voilà. Je bouge plus de chez moi. Ah, tu bouges plus chez toi. Non, bah tu sais, moi l'hiver, j'hiberne. T'hiberne. Donc voilà, donc on n'a pas d'écho, mais on imagine que c'était très bien. Un quatuor avec une chanteuse qui vraiment dégage quelque chose d'assez particulier, avec une voix assez sombre, assez langoureux, c'est pas le mot parce que c'est quand même très sombre, mais voilà, je sais pas trop, je trouve pas mes mots. En tout cas, il peut y avoir une certaine langueur qui se dégage de choses. Ouais, une rage en même temps. Tu vois, c'est assez voilà, c'est très bien vu. C'est souvent quelque chose qui est toujours. Pas toujours si simple dans ce genre-là. On le verra après avec peut-être Hawks. Voilà, il y a toute une panel d'émotions en tout cas à travers le chant là, qui est vraiment génial. Musicalement, vous allez voir, vous allez penser à Girls Against Boys, à Cop to Cop, à des choses plus classiques encore. Mais voilà, vraiment cet album Planning d'Obsolescence, donc sorti sur Cat Attack et Rejuvenation Records en 2011, est vraiment un chouette disque. On écoute un extrait qui s'appelle Checkpoint dans le secret du son de bas. I couldn't find him! À l'instant, Retox dans le secret du son d'Abba. On parlait des copains de Cafuel qui ont organisé le concert de Berlin, Berlino 033.33. Ils font le 6 novembre Retox au Mondo Bizarro. Retox, c'est quoi? C'est quasiment la moitié de Locust, Swing Kids, avec d'autres potes, Struggle, enfin toute la bande de San Diego qu'on retrouve là dans ce nouveau projet qui avait sorti un 45 tours fin 2010, début 2011, qui était déjà bien calé dans les oreilles. Là, c'est l'album qui vient de sortir sur IPCAC et vraiment. Toujours aussi givré. Toujours un peu plus. Un peu moins. On va dire un peu moins. Du coup, il n'y a plus les claviers comme dans Locust, etc. On est vraiment sur quelque chose de plus hardcore, plus direct, etc. Mais quand même assez rock'n'roll. Et vraiment, c'est vraiment très bon. Je trouve assez inspiré là pour le coup. Parce qu'ils en ont fait des tonnes, hein, des groupes comme ça. Et je trouve que voilà, c'est assez varié. Vraiment, j'aime beaucoup ce disque et je crois que je vais me laisser tenter par cette petite virée pour 25 minutes de concert le 6 novembre au Mondo Bizarro. 3 heures de trajet, 25 minutes de concert. Voilà, ça, je crois que ça va être à peu près ça. C'est un peu toute ta vie, ça. C'est un peu toute ma vie. Voilà, donc à pas louper Retox. Un album chaudement recommandé pour ceux qui ont envie de se faire une petite volée de hardcore dans les oreilles. On calme le tempo là. Ah carrément. Carrément avec là aussi nos amis Cafuel, ils ont fait on produit le concert des Nablers avec Del Cielo, excusez-moi. Qui a sorti un nouvel album au printemps. Voilà, on en reparlera peut-être parce qu'on avait bien aimé le premier. Je ne me le suis pas procuré donc mais un de ces quatre. Donc voilà, Del Cielo faisait la première partie du mythique, presque mythique maintenant, Quatuor de San Francisco, Enablers, qui a enfin joué dans l'Ouest en cet automne 2011. Tu te lamentais il y a quelques mois encore. Je criais au rage, au désespoir, je ne les verrai jamais, ça fait juste 4 ans que j'essaye de les voir. Donc j'étais très content, moi je les ai vus à Nantes, c'était très très bien, peut-être un coup de mou en milieu de set qui fait qu'une partie du public a décroché. C'est une musique qui est quand même très posée, même si le chanteur est il tient la scène correctement. Je trouve que il faut un peu se concentrer en fait pour capter tout le charme, toute la force de cette musique, et je pense que si on veut siroter des bières, ça marche pas trop. Voilà, c'était une très belle soirée avec For the Mage en première partie, et puis l'excellent Thomas Locor qu'on avait déjà passé dans une précédente entité. On écoute tout de suite Enablers, tiennent leur dernier album qui s'appelle Blown Realms and Stalled Explosion. Et c'est le morceau Carrying My Need Individual. Voilà, un album un peu décrié par certains, que moi j'adore. Donc on s'en fout, on écoute tout de suite Enablers dans le secret du son là-bas. Chainsaw, air a steady arc and grind over the garden. He sits with her on the small deck, finishing his coffee, she her tea. As the other two in the group have gone off for breakfast in the next town over. A sharp, permeable crack is opening across the tiny New York bird. Rainy vengeance, 16mm. Roads clogged with the draped and oiled hordes. Only a year or two away from the kind of Darwinian split between casualty and career-minded individual. We'll be right back. now that he's of an age to wonder about passing time. He takes her hand. There's too much to not do right now. Ideas will walk on a mostly silent drive along the creeks and back roads. And the swimming or the hike, only one in the group isn't kind or prepared to do. We'll be right back. l'instant ASG dans le secret du son débat avec Mourning the Hearth, tiré du split album sorti avec Black Tusk, sorti en 2009. Pourquoi ASG? Moi j'ai mis un peu de temps à m'y mettre. Souvent je disais que c'était une sorte de torche en plus, un peu plus rugueux, un peu plus lourd. C'est oublié que Torch, ils savent faire du lourd quand ils veulent. Je pense au morceau, au super morceau partagé avec Boris. Le EP 10 pouces, là, ouais, je crois que c'était. Qui est génial. Génial. Et voilà, en tout cas, ce ASG, c'est des albums inégaux d'abord, enfin deux albums assez inégaux. Pas mal, mais un peu inégal. Et je pense que les meilleurs morceaux, enfin mes morceaux préférés, sont vraiment sur ce split album avec Black Tusk. Voilà, c'était l'occasion d'en passer, de se mettre dans les petites oreilles, parce que c'est vraiment du soleil d'ASG. Ils sont aussi des États-Unis. Ils ont beaucoup moins tourné, contrairement à Torch, et ils ont moins de tubes qui sentent bon le soleil comme, et le sable chaud comme Torch. Donc du coup, ça sent encore un peu le bayou, ça sent un peu la crotte sous les boîtes, donc voilà. Le tout ouais. Passé à l'huile de bronzage quand même. Bah bien sûr, ouais. bien sûr, toujours. On poursuit avec. Alors on va se faire un doublé là à suivre consacré au label Grindcore Karaoke. Ah bah c'est nouveau, c'est les Grindcore Karaoke. Voilà. On avait passé un peu de 8 bits la semaine dernière, enfin une émission précédente, mais là Grindcore Karaoke. Voilà, et donc alors c'est un net que label. C'est ouais, Grindcore Karaoke. Non mais c'est tout simplement le nom. Amusant d'un net label consacré au grindcore et ses dérivés. Net label qui, en l'espace de quelques mois, a aligné près de 100 références. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne les ai pas toutes écoutées. Par contre, bon, alors on retrouve énormément de choses que pour le moment je ne connais pas. Quelques références qui évidemment nous titillent, comme la série des remixes de Agoraphobic Nosebleed par Delta 9 qui avoine, pas mal, ça, voilà, qui vaut son pesant d'avoinerie là, c'est comme il faut. Et puis nous on va retrouver le duo Eustachian qu'on avait bien aimé pour son un certain nombre de EP, notamment un split EP partagé avec de Technoist sorti par Ad Nauseam il y a 3 ans qui s'appelait Pillaged and Plundered, et on retrouve un certain nombre de morceaux qui étaient sur ce split vinyle sur un album, donc un album digital qui s'appelle The Sphagnum Bog, 11 titres donc publiés par Grindcore Karaoke. On va s'écouter le morceau qui s'appelle AXBXRXBX à nouveau. C'est le duo Eustachian, c'est des gars de Floride a priori, ouais. Un duo spécialisé dans le, on va dire, dans tout ce qui est grind, speed, break, le suffixe est toujours core. Core. Voilà. Et on sait que le digital, souvent, arrondit les angles, pourrait, je dirais, aplanir un petit peu le caractère extrême de cette musique-là. Eux s'en sortent bien, ils gardent le côté vraiment violent, ça se dissout pas dans les circuits imprimés. C'est peut-être ce qui en fait leur intérêt par rapport à un certain nombre de leurs... compères qui font dans la même gamme. Donc on s'écoute Eustachian. Alors pour le coup j'ai ressorti mon vinyle. C'est parti Eustachian. What love? your shit, I'm feeling it. Check your hell yeah, fuck yeah, I feel like killing it. Check your heart, alright, that's not what it's like to experience. Check your heart. Powder blue, wind through the bag, door coming through like fuck, what was that? Pain, I don't know, but it made me feel so heated. How we creeping out, showing you jazz. Shit from below, give a shit if you know, cause even if you did, bet you keep coming back. Back for more, need a man, yo, addicted to the heat, we make beats cash. Track epileptic seize every head we crack. Like EPMD snapping next as we tap energy from everything on and off the map. Yeah, yeah. So shit, I'm feeling it. Check your hell yeah, fuck yeah, I feel like killing it. Check your alright, that's not what it's like to experience. Check your shot down your throat like a keg of beer. Choke on the smoke, we in and exhale till the whole chamber is clear. Cause that's so fucking weird. Try to stay in this atmosphere, but they can't cause it's way too shit. How to make a hater disappear? Take shit where it ain't never been. Fuck what you thought, could not comprehend this shit. If I fist in your brain with a 10, no, 8, 7, triple, 6, 5, 4, tons. Criminal level, crook, lightning storm, not away, oh yeah, of course. And a picture big enough to fit what we dig up from the core. Yeah. Of all the day, forgot ever was, militant march off this war. C'est Death Grip dans le secret du son d'abat. Mais j'avais écouté ça d'une oreille distraite. Ben vraiment, trop distraite. C'est vraiment très très bon. Death Grip. C'est la bourrasque hip-hop de la rentrée, je trouve. Un petit ouais, peu. Avec le batteur Zach Hill derrière. Exactement. Batteur Della. Je pense que c'est vraiment un projet dont on pressent l'intérêt que ça pourrait avoir sur scène. Ouais, et évidemment, dépoter, je pense que quoi. Zach Hill est pas pour rien à cet esprit bien excité, esprit punk, breakbeat un peu rêche. On pense à Kuei Matsunaga, tu sais, dont on a passé des extraits, notamment de ses travaux avec l'ami Sensational. Et puis là, moi, je pensais aussi à un vieux projet sur Word Sound, pour le coup, qui nous ramène 10 ans en arrière, qui sonnait vraiment dans le genre un petit peu braillard et débraillé, un petit peu comme ça. C'était les Odes Gangsters Rappers. Ok, yes. Je sais pas si ça dit quelque chose, avec ouais. Une pochette vraiment trashos, l'esprit mon cul sur la commode, tu vois. C'était ça. C'est complètement ça. Puis évidemment, on peut pas nier non plus peut-être l'influence des Beastie Boys, qui entre étaient un autres. Peu, voilà, qui ont un peu posé les choses. Voilà. Donc bien désaxé, je pense succès assuré, on espère pourquoi pas les voir. Tournée, voilà. Tournée européenne. Et donc c'est. Ils sont américains évidemment, j'ai oublié de préciser. Mais... C'est donc bien chez Grindcore Karaoke, n'est-ce pas? En attendant une publication vinyle sur leur structure, je crois qu'ils ont créé pour l'occasion qui s'appelle Third Worlds. J'ai vu qu'il y avait des pré-orders, des pré-commandes possibles pour un vinyle. On l'attend. Voilà. Voilà, donc Zach Hill et puis tout l'album 3 est un peu 3 comme Gugus, ça, voilà, c'est vraiment l'esprit de l'album, même si c'est peut-être un des morceaux les plus péchus. Le début est pas si convaincant, et puis ça grimpe, ça, voilà. Et c'est tube sur tube sur la deuxième partie du disque. Et puis les 3 MC qui peuvent paraître un petit peu agaçants pour leur côté braillard du début, on s'y fait, et c'est vrai que quand les beats sont bons, et ben ça, voilà. C'est bon. C'est la règle. On reste aux États-Unis avec, pour moi, l'un des meilleurs albums noise rock de l'année, cet album de Hawks, leur deuxième album. Voilà, que dire, en long et en large, l'ami Bilou les a interviewés dans le dernier numéro de Noise. Voilà, vieux activistes ou jeunes activistes, parce qu'ils sont pas tout vieux, de la scène obscure, voire crépusculaire de noise rock américaine. Cryptogamique. Ouais, limite. Où on a l'impression que les groupes ont plus de de succès en France que dans leur propre pays. En tout cas, Hawks sort un album vraiment vicieux, virulent, pourtant assez évident hein, à la première écoute, mais alors vraiment, plus ça va, plus on rentre dans leur jeu, et puis on voit vraiment qu'ils ont complètement digéré, que ce soit Plainfield, que ce soit Deus Lizard, mais il y a un truc encore plus malsain, un truc pas cool, et c'est pas au premier abord qu'on s'y fait, mais au deuxième abord, au troisième abord, on se dit, on n'est pas loin d'Oxbow dans ses grandes œuvres aussi. Voilà, des grands noms de grands groupes américains, mais pas pour rien, parce que cet album de Hawks Spell Rube est vraiment une pièce, en tout cas en cette année 2011, elle est l'une des préférées. On écoute ça dans Secret du son d'abat. l'instant, les Toulousains, ouh là là, ils vont pas très bien les Toulousains de Playband Grandstand, tiré de ce three-way split avec les excellents Bone Dance et Divider, un split LP sorti par Throwriner Records, un petit gars, un petit Morbihanais exilé dans les Côtes d'Armor qui sort un putain de bon disque là, qui en sort... toute une série, hein, faut le souligner, sur Rainer Records, c'est vraiment une chouette petit label français. Et là, vraiment, ce split, donc Divider, c'est vraiment un hardcore metal assez classique. Pas mal, hein, mais assez classique. Bone Dance, c'est ce clone de Gaza qui le fait bien, qu'on écoutera peut-être à l'occasion. Et puis, vraiment, les deux titres de Playband Grandstand, là, on vient d'écouter un extrait. Il y en a un autre de 6 minutes 32 qui suit, et qui est vraiment aussi complètement formidable. D'une violence inouïe, hyper juste. Je crois que ça te plaît. Hein. Ah ouais, ça me plaît parce que je trouve que c'est tellement dur d'arriver à défendre quelque chose dans ce genre où quasiment tout le monde a été au bout, hein, du genre, on va dire. Et là, je trouve que les Toulousains, ils apportent vraiment un truc à eux. Et vraiment, je trouve ces deux morceaux vraiment excellents. Et par rapport à leur premier album qui était déjà très bien, et ben là, je trouve que voilà, je sais pas ce que ça vaut sur scène, mais si c'est aussi précis, aussi bon, aussi juste, et bien ça doit être la grosse dérouillée. On va se quitter avec les copains de Solar Skeleton. Voilà, on va défendre une micro-édition puisque c'est le label Just Another Winter. Je crois que c'est un label allemand, nous avait-il dit, les amis. Exactement. De Solar Skeleton. Exactement. Une édition à 200 exemplaires, alors signe que le marché de la micro-édition se porte vraiment pas bien, malheureusement, puisque c'est devenu courant, par la force des choses, de pas pouvoir défendre beaucoup plus de copies, ouais. Sans risquer de se casser la figure. Néanmoins, on est sur alors on sait jamais avec ces formats là, hein. Il y a un morceau par face, ça dure quand même des plombes, donc c'est le propre d'ailleurs de la musique qu'ils défendent, Drone, Black, Doom, Ambient. Ce sont des formats qu'on a peine à définir, EP, LP, c'est vrai qu'il y a un travail derrière qui nous empêcherait, ce serait de trahir l'effort que de dire que ce sont des simples maxi. Mmh. Hein. Ça s'appelle Frozen Jail of Reversed Demons. On va s'écouter un morceau, je crois, fort inspiré de la Divine Comédie. C'est parti. Solar Skeleton, pour se quitter dans le secret du son d'abat. Il primo cerchio è più tutto. Ma perché si forza a tre persone? A tre persone. In tre gironi è distinto e costrutto. Addio. Addio. A sé. Al prossimo si pone. Far forza. Dicono loro e le loro cose. Come udirai con aperta ragione. Morte per forza e ferute dolorose nel prossimo si danno nel prossimo si danno nelle sue vere ruine incendi e tollette dannose onde omicide e ciascun che mal fiere guastatore e predore tutti tormenta lo giron primo per diverse schiere. Thank you. Vuote uomo avere in sé man violenta. Thank you. forse nella galleria col cor negando e bestemmiando quella. Thank you. cade nel cerchio minore, ove il punto dell'universo, in su che dite siede, qualunque trade in eterno e consunto.